écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pression-punk.com. Restez à l'écoute. Salut, vous écoutez Sous Pression, une émission de punk ska hardcore francophone qui diffuse toutes les semaines à partir du souspressionpunk.com. Et si vous êtes old school à la radio, à Ottawa, CHO 89.1 FM, à Yellowknife, le CVR 103.5 FM et à Iqaluit, le CFRET, CFRT 107.3 FM. Je m'appelle Mathieu, je vais vous faire jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français pendant la prochaine heure. Alors, si vous avez rien à faire, vous voulez perdre du temps, continuez à écouter, faites arrêter ce que vous faites ou continuez au moins, en tout cas, à écouter la musique, écouter ma voix en ce moment, parce que, mais pas pendant longtemps parce que je vais me fermer bientôt, mais continuez à écouter l'émission si vous avez rien à faire pendant la prochaine heure. Ça va être une bonne émission, promis, je vous promets. On a commencé l'émission avec un groupe que j'ai jamais fait jouer en nombre, je viens tout juste de les découvrir récemment. Le groupe s'appelle À la dérive, je crois qu'ils viennent de Toulouse, mais je me trompe peut-être. Leur album s'appelle Les états stationnaires, et le morceau que j'ai fait jouer, c'est le premier morceau de cet album-là, Tension collective. Là, je continue avec un groupe que j'ai souvent fait jouer en ondes, le groupe Scrap. Ils ont fait leur dernier concert, leur concert d'adieu la fin de semaine passée à Montréal, dans le cadre du Pouza Fest. Et pour marquer l'événement, pourquoi pas, j'ai décidé de faire jouer, pas une chanson, pas deux chansons, mais trois chansons de Scrap. Je vais faire jouer le morceau Bibliothèque de leur démo. Ensuite, je vais faire jouer le morceau Belle Journée de leur dernier EP, Une nuit sur la corde à linge. Et je vais terminer avec une chanson que Scrap a faite à leur version, une reprise de NoFX, la chanson, leur version Robert, chanson dont je ne connaissais pas, je savais même pas que c'était du NoFX, avant que ça m'a pris un bout de temps avant que je réalise ça. Mais c'est ça, je vais faire jouer ces trois morceaux-là par Scrap, hommage au groupe qui se sont séparés, fait leur dernier concert la fin de semaine passée. Alors voici du Scrap avec Bibliothèque à Sous Pression. 1, 2, 3, 4... dans un foie explosé. C'est le bord de fer, maintenant tu peux plus boire. Docteur a dit, non mais quoi tu penses, c'est le bord de l'effort. Je pense que moi j'ai pas de vie, est-ce que tu trouves autre chose à faire? Oi, oi, oi, pense que t'as le service, je veux rien changer d'identité. Je veux pas de vie, est-ce que ça t'a tué ou écrit? Sur un scooter, moi et un gars. c'était les Préstupides avec le morceau Dormir de leur split avec le groupe Bonne Journée. Avant ça, on écoutait trois morceaux par le groupe Scrap. On a commencé avec Bibliothèque de leur démo. Après ça, c'était Belle Journée de leur EP, leur plus récente EP, Une Nuit sur la Corde à Linge. Et on a aussi écouté le morceau Robert, une reprise de NoFX. Cette chanson-là tirée de leur EP, Grand Talent, pas d'adon, pas en tout. Et le matériel de Scrap est disponible en ligne gratuitement à partir de leur site Bandcamp. Sûrement c'est scrap.bandcamp.com, quelque chose de semblable. Je le mettrai sur le site web de Sous-Pression, sous-pressionpunk.com. Alors vous pouvez aller checker ça, vous le procurer, l'écouter comme vous voulez. Et un membre, le chanteur de Scrap, fait maintenant partie d'un autre groupe qui s'appelle Mange ta main. Le groupe Mange ta main, c'est comme du folk acoustique un peu. Ils seront en concert à Montréal le 2 juin dans le cadre du Riot Thursdays, ce bénéfice pour le Revolution Fest à Montréal. C'est une soirée bénéfice, évidemment, 5$. C'est au Catacombe à 19h. Il va y avoir un barbecue, alors allez checker ça, des friperies, ça va être cool, en tout cas, pour une bonne cause, un bénéfice pour le Revolution Fest, un festival qui se passe à Montréal au mois d'octobre tous les ans. Alors, je continue la musique avec du punk Ayn Roll. Le groupe français a sorti un album, je crois, l'année passée. Le groupe, l'album éponyme, je vais faire jouer le morceau « Ne nous laissons pas faire ». Alors, voici du punk Ayn Roll à Sous-Pression. Nous soi-disant l'égalité et quelque chose de bien acquis. Des SDF pêchent à divers. Pas l'entrée bourgeois promiscue. L'État remplit tous ses charters. Pas l'empereur dans sa patrie. Les femmes ne sauront toujours pas. Respecter comme il se doit. Et la justice se vend comme toujours en plus en France. Non, non, non, ne nous laissons pas faire. Assez, assez de pauvres et de misère. Battons-nous pour notre liberté. Et tous ensemble, on pourra tout changer. Les trois quarts de la population n'arrivent pas à se relever debout. Pendant que l'État crée des millions, tout s'en va, c'est pas terrible. Et c'est comme ça un peu partout. Sur notre un monde de fou qui ne tient qu'à nous de changer. Non, non, non, ne nous laissons pas faire. Assez, assez de peur et de misère. Battons-nous pour notre liberté. Et tous ensemble, on pourra tout changer. Quand on passe sa vie au boulot et que nos seuls jours de congé passent à prendre du repos. Où est donc l'égalité quand une poignée brasse des milliards et qu'on tire monte depuis des années? Y'a des gens qui n'ont rien à voir. Où est donc la paternité quand ils expulsent par milliers nos frères et sœurs exilés qui ne cherchent qu'à vivre en paix? Où sont donc toutes ces valeurs? Sont-elles bien mortes et enterrées? La démocratie du voleur n'a pas l'air vouloir les porter. Assez, assez de pauvres de misère. Battons-nous pour notre liberté. Et tous ensemble, on pourra tout changer. Non, non, non, ne nous laissons pas faire. Assez, assez de pauvres de misère. Battons-nous pour notre liberté. Et tous ensemble, on pourra tout changer. notre liberté. Et tous ensemble, on pourra tout changer. Non, non, non, ne nous laissons pas faire. Assez, assez de femmes et de misère. Battons-nous pour notre liberté. Et tous ensemble, on pourra tout changer. Tout changer. We'll be right back. volé, j'aurais pas mieux fait. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Zabriskie Point de l'album Fantôme. C'était le morceau Fantôme du Psycho Squat. Avant ça, de leur EP Liberté, Précarité, Fraternité. C'était le morceau Population Perdue du Rix avec le morceau Rix de leur plus récent EP Les Nerfs à Vif. Et on a commencé avec du Punk Ain't Roll, le morceau Nous ne nous laissons pas faire de leur album éponyme sorti l'année passée. C'est ça, rendu à mi-chemin de l'émission, je vous rappelle que vous pouvez, je vais faire ça différent cette semaine, vous pouvez me contacter de plusieurs façons, si vous avez des demandes spéciales, des commentaires, des plaintes, ou si vous voulez partager de la musique, vous pouvez m'envoyer un message direct par courriel info@commercialsouspressionpunk.com. info@commercialsouspressionpunk.com. Sinon, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aller aimer la page de l'émission. C'est facebook.com/sous-pression. Vous pouvez m'envoyer un message et me contacter directement. Ou sinon, si au cas où vous n'êtes pas déjà, vous ne savez pas déjà, l'émission, bien sûr, un site web. Si vous écoutez à partir du site web, vous ne savez pas. Si vous écoutez à la radio, vous ne le saviez peut-être pas. C'est sous-pressionpunk.com. Allez checker ça. Vous pouvez écouter ou réécouter les émissions à chaque semaine à partir du site web, ou ainsi que voir les chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. Alors c'est ça, toutes les façons que vous pouvez communiquer avec moi, ou si vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler, mais je ne vais pas vous le donner en ondes, bien sûr. Alors c'est ça, je continue avec le bloc sono mondial, moment où je fais jouer des chansons par des groupes à l'extérieur du monde anglophone et francophone. Cette semaine, je vais vous faire jouer un groupe qui s'appelle Haute-Vorénie Prelome. C'est un groupe qui nous vient directement de la Serbie. C'est un groupe serbe. Je vais faire jouer deux morceaux de leur album Samo Controla. Je vais faire jouer le morceau Sloboda et Senta. La voici Haute-Vorénie Prelome à sous pression. Fucking all is big, fucking groggy, swallow is the fastest. C'était du Hordvorani Prelum avec les morceaux Sloboda et Santa. Maintenant, voici du Ultra Pterodactyl avec le morceau Des oiseaux qui vont en char sur la lune. Quelque chose, un rêve que j'espère voir se réaliser un jour. Voici Ultra Pterodactyl. Thank you. vendons sans ça se passer. On l'a pas gâché, on renoue les copains, je vois mon secret terroriste. Ça nous dort, ça longtemps qu'on s'abaisse, mais trois mecs avec quelqu'un. C'est devenu la tombée, sont énormes, on a droit d'attaquer. Il faut rien, il faut pas s'inquiéter. On a les choses armées, l'armée va nous venger. Peu importe ce qu'on vient, la moindre chose nous arrêter. On a le droit de frapper. Moteur ça est fait, la presse a se fait manipuler, donner tout dans un bouquet. C'est dur mais peu de pouvoir, mon bateau est solide. Les citrons y croient, les journaux, la télé nous pousse pas à penser. Mais leurs genoux éclairent, c'est à nous de leur prouver. Everybody knows that Iraq had weapons of mass destruction. You know where they are, they're in the area around Tikrit and Baghdad. And east, west, south and north. I'm not exactly sure what that means. Je t'en passionnerai. Wow. On vient d'écouter du Hors Control avec le morceau inoubliable de l'album Vaut Rien, le plus récent album de Hors Control, et je vous le jure que j'ai jamais connu un groupe qui est aussi nostalgique que Hors Control. La moitié de leurs chansons, ils chantent soit d'antifascisme ou de, tu sais, leurs camarades et leur crew qui n'oublieront jamais. Peu importe, malgré les sujets de leurs chansons, c'est un vraiment bon groupe et ça, c'est une bonne chanson. Gerbia avant ça avec l'Alliance Maudite, le gros Steven vous regarde, Traître avec Humain en vue, Les Shérifs avec Le Mur du son, The Horny Bitches avec Arrête de bitcher, une reprise de Les Shérifs, Von Bismarck 007, le morceau Le Droit d'attaquer avant ça, et on a commencé avec du Ultra Ptérodactyle et le morceau Des oiseaux qui vont en char sur la lune. Alors c'est ça, je vous laisse avec un dernier morceau, je vais faire jouer du Serre Humaine, un groupe, je pense que c'est la première fois que j'ai fait jouer en onde. Un peu anarcho-punk avec une boîte à rythme de leur EP Sans amour ni soleil. Voici le morceau Boycott. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. On enferme les tortures pour le profit industriel des vies dans la nature. N'a pas prévu faire si cruel sans amour ni soleil. Ils doivent passer leur vie à l'ombre des scalpels de leur plus fidèle ennemi. Boycott. On aura beau pleurer, dans l'armée pour que dalle, l'action devient nécessité, le rempart 2013, la loi est promulguée, on interdit les tests, mais est-ce vraiment terminé, boycott? A coup dérogation, les salopards obtiennent le droit de vivisection, en tournant dans ce système. Fermé, de poursuivre les essais sur des produits chimiques que l'on retrouve en cosmétique. Boycott.